me voir ou de m'entendre. Si tu devais choisir entre ton nez ou ta bouche, tu choisirais ta bouche. Et si tu devais choisir entre tes pieds et ton nez, c'est déjà un peu plus compliqué. Disons que là tu te choisis tes pieds. Ah, et là tu te dis non, merde, je serai moche, alors je choisis mon nez. Tant pis, de toute façon, ils inventeront bien une manière de fabriquer des pieds. Plus tard. Alors, maintenant, vu que t'avais choisi ta bouche plutôt que ton nez, eh bien, tu n'as plus ni pied ni nez, mais une bouche. Et si tu devais choisir entre ta bouche et tes yeux. Là, c'est compliqué. Parce qu'en même, on n'aimerait pas manger par intraveineuse toute sa vie. Alors, tu choisirais de nouveau ta bouche. De toute façon, t'as plus de nez déjà, alors... Au moins comme ça, tu te verras pas dans le miroir. Ça enlève déjà pas mal de problèmes. De ne pas se regarder dans le miroir. Alors te voilà. Sans pied. Sans nez. Sans yeux. Mais je ne te demanderai jamais de choisir entre ta bouche et tes cheveux, ça tu peux les garder. Entre ta bouche et tes oreilles, elles tu peux les garder aussi, un petit moment. Mais si tu devais choisir entre la droite et la gauche, laquelle alors? Personnellement, je garderai la droite. Je préfère dormir de ce côté